seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! Bat, Battery, Satyricon, Tucker, Abattoir, Habitabis, and more. Music is reversible, but time... D'autre que DJ Tower of Death pour faire revenir à la vie Jim Morrison en backward sur une trame de fond de King Diamond et de Ramzette. Sylvain Latour à la barre de Subversion, édition du 9 octobre 2015. Émission où on aura, entre autres, nouveautés de Abbat et ainsi que quelques autres trucs parus plus tôt cette année. Et aussi, comme on avait annoncé la semaine dernière, une entrevue avec Raoul Rochon de Habitabis. Qui est en fait le tapocheur de peau de castor, de tambour et chant de gorge. Alors, à la mi-temps, nous aurons cet entretien. Et d'ici là, bien évidemment, deux blocs musicaux. Dans le premier, toujours, en tout cas, souvent dans les années 80, avec Subversion, c'est inévitable. On aura donc Voivode et aussi Abattoir. Mais avant, Battery. Avec une pièce du premier album qui fait du bien à réécouter et qui, je pense que ben qu'en 2044 va encore faire du bien. 80s. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec. We'll be right back. Subversion sur Underground Québec Radio. Avec Slaughter in a Grave, une pièce que j'aime bien de l'album Roar, paru en 1986. Une pièce qui est passée sous le radar, à mon avis, et que ça serait le fun de voir le band la jouer live un jour, peut-être. D'ailleurs, le groupe sera en Europe pour un mois, dès la fin octobre, pour 25 dates qui vont les mener en Angleterre, en Suède, en Pologne, en République tchèque, Hollande, Autriche, Irlande, Italie et l'Allemagne. Et donc, on leur souhaite évidemment bonne route là-bas. Et on avait eu aussi dans le bloc de Los Angeles, Abattoir avec Stronger Than Evil. Très bonne pièce de l'album Vicious Attack, paru en 1985. et d'emblée Battery avec 80s de l'album éponyme de 1984. Ce qui s'en vient, on aura Take ou Toku ou Tako, prononcez-le comme vous voulez, mais ça vient de la Norvège. Probablement un de mes groupes de black metal moderne favoris. Et on aura aussi Aurora Borealis. Mais avant, Nordwich, qui est un band de black death metal à double nationalité, qui provient de l'Ukraine et de la Hongrie. Le groupe a été formé en février de cette année. Et les musiciens adoptent l'idéologie de l'occultisme, du satanisme et aussi de la mythologie en rapport avec la Scandinavie antique. La chanteuse Macha m'a fait parvenir deux pièces du démo sur lesquelles le groupe travaille. Elle qui répond aussi au nom de Marie Crematorium en tant que claviériste dans le groupe de metal extrême progressif Crystal Knight. Elle est accompagnée de Léo et Max à la guitare. aux guitares. Ainsi que de Max Chantillo à la basse. Et j'écris tellement mal, Carlis. Et de Duretz au drum. Donc, c'est que ça va être un band à surveiller dans le genre, à mon avis. Donc, la pièce qui s'en vient de Nordwich, Messiah of Death. Vous écoutez Subversion, le Metal Show. I am your dark messiah. La révolution du rock'n'roll a réussi en 30 ans la plus profonde perversion de la jeunesse que l'histoire ait jamais enregistrée. Yeah! Toku avec Kanskar Bestar de l'album Striden's House de 2015. C'était précédé de Aurora Borealis avec l'excellente pièce This is the way they chose to die de leur album paru en 2014, Worshippers. Et au début du bloc, on avait eu du démo 2015, Nordwich avec Messiah of Death. C'est la mi-temps, alors c'est le moment de vous présenter évidemment l'entrevue avec Raoul d'Habitabis, et ce sera suivi évidemment d'Habitabis et de la nouveauté de Abath. Bon, je suis en compagnie de Raoul Rochon, le batteur de Podcastor dans Habitabis, et finalement ce n'est pas en direct de Saint-Germain-de-Boulay cette fois, mais bien de Rouyn-Noranda. Oui, effectivement. Et c'est pas Saint-Germain-de-Boulay, c'est Saint-Germain-de-Boulay. Ah, OK, d'accord. OK, en plus d'être en retard des nouvelles, il s'est passé beaucoup de choses avec le band depuis la dernière année, notamment depuis le lancement de l'album Rural Metal. Peux-tu nous résumer en gros ce qui s'est passé justement depuis le lancement de l'album? Ben oui, on a fait notre lancement au mois de novembre passé. C'était avec le Carnival of Death, la tournée qui passait. Là, il y avait Suffocation, Cataclysm, Internal Bleeding, Pyrexia. C'était vraiment un bon show pour nous autres. C'était super. On a ouvert pour eux autres, puis ça a bien starté. Puis après ça, ben on a eu quand même une année assez chargée quand même. On a fait une coupe de shows. On a fait on a joué au Primo cet été, qui est un festival qui est à Val-d'Or, là, qu'on a gagné ça, ce festival-là, à notre grande surprise, là, fait que, ce qui a fait qu'on a gagné une bourse, puis la chance de faire une capsule là, pour la fabrique culturelle, là, qui était sortie là, une couple de jours. Là. Oui. C'était très, très bien. On a eu 20 fun à faire ça. C'est vraiment le fun. Là. Puis on a aussi fait le FME, aussi au mois de septembre, un festival à Rouen qu'on avait fait la dernière fois en 2007, là, avec Augury et Descenting to Nothingness. Fait que, là, on a joué avec Flash God Apocalypse là, dans une salle bien pleine. Là. C'était écœurant. On a fait ça. À part de ça, on a fait le lancement à Montréal d'Obsolete Mankind, puis Paroxysme, un triple lancement avec le nom de qui. C'était vraiment un bon show. Là. Il y avait pas mal de monde au Catacombes. Oui. Je pense que c'était là, d'ailleurs. Hein? Oui, c'était un excellent show au Catacombes. En passant, j'en ai parlé dans la première émission. C'était plutôt mémorable. Oui, on a eu 20 fois. C'est à peu près ça qu'on a fait cette année, je dirais. Ah, puis on a un nouveau guitariste, justement, qui est dans le band. Là. On a notre petit nouveau, là, Henri Doré, là, qui est à Git, là, comme nouveauté. On a lui, puis on a Alain, qui avait déjà commencé à chanter avec nous autres avant l'album, là, mais ils sont tous deux officiellement dans le band, là, fait qu'on est rendu 4 à ce moment-là. Justement, pour les auditeurs qui vous connaissent moins ou qui n'ont pas eu l'occasion de vous voir en concert, comment décrirais-tu justement Habitabis et le message que vous passez, soit dans votre musique ou dans vos pestacs? Dans nos pestacs, ben, je veux dire, au niveau musical, si on regarde le premier album, là, ça parlait pas vraiment de grand-chose. C'était pas des sons qu'on faisait, c'était assez... Donc, l'enregistrement était assez... bas de gamme, là, mettons, disons. Là, on a travaillé ça pas mal pour le deuxième. Avec le deuxième, il y a des textes sur toutes les tunes. Là. Ça a été tout en français. Là, fait que ça compte des histoires là, complètement farfelues, souvent. Là. C'est ben féerique, mettons. Ce qui se trouve, ça parle de peu n'importe quoi, des accidents de chasse qu'il peut avoir, des accidents d'un mine, d'un ferme. Je veux dire, ça tourne autour. Il y a beaucoup de ridicule là-dedans, là, mais c'est quand même... On a quand même bien du fun à faire ça, composer des textes tout le temps. C'est tout fait avec beaucoup d'humour. Là. Puis, je dirais que quelqu'un qui vient nous voir en show, ben là, il voit quatre morons sont déguisés. Là. Ils ont l'air un peu n'importe quoi. Là. Comme là, moi, je suis un mineur, dans le fond, dans le band. Il y a un bûcheron, si on fait appeler ça un bûcheron. Il est plus même un bûcheron, là, notre basement, à ce temps. Il se dit qu'il est plutôt un soilu du village, à ce temps, dans le fond de temps, là. C'est un peu n'importe quoi, Vez, là, puis là, on a aussi à nouveau les chanteurs Alain Dubois, là, que lui, ça se trouve être notre façon. Il chante là, dans le band, il est déguisé, puis il boit de la bière, puis il fait toutes sortes de moves. Là. Moi, je le vois pas bien, je trouve le drum en arrière, mais quand je regarde les vidéos après, là, je crée pas à ça qu'il se pose, puis il danse, puis mettons que les gars, ils ont du fun pas mal. Là, notre nouveau Henri Doré, qui est le pêcheur, là, vu la guitare, là, lui, là, il va commencer à faire de plus en plus de voix et tout dans le band, là, parce qu'il y a une bonne voix, fait qu'on veut l'utiliser, là. On va avoir trois voix là-dedans, là, au fond, là, au fil du temps, là, ça va tout upgrader plus, là, au niveau vocal, là-dedans. Là. C'est à peu près ça. Là, je dirais, quelqu'un qui vient le voir, il va être surpris, ça, c'est sûr. Sans aucun doute. À quoi on peut s'attendre dans un avenir rapproché? Y a-tu de la prospection en vue ou des chantiers à venir pour vous autres? Ben, comme c'est là, au niveau spectacle, là, on est en petite pause comme ça, mais c'est sûr qu'on prend tout le temps tout le monde qui peut nous écrire pour avoir pour un show, là, on est tout le temps bien intéressé à aller voir un peu partout. Là, ça serait le fun de faire une petite tournée. Peut-être moins l'hiver, vu que l'hiver arrive, c'est moins le fun un peu, là. Tourner au Québec, mettons, ou faire le tour des grandes villes. Là, peut-être plus au printemps, mettons, si on pourrait faire une petite tournée, ce serait bien le fun. Puis là, on travaille sur des nouvelles tunes. On a déjà deux, trois nouvelles tunes là, qu'on travaille tranquillement. Là, on n'est pas dépressés, nous autres. T'sais. Fait qu'on ouais. fait ça à temps partiel. Là, on travaille, puis tout. Là. Fait qu'on ouais, fait ouais. ça pour le fun en partant. Mais c'est ça. Ça va continuer encore. Ça fait déjà 10 ans. Là, puis je pense pas qu'on parle pas d'arrêter. Là, comme c'est là, les bonhommes sont encore en forme. Là, fait que... Ouais. On va continuer à faire du bruit encore, fait qu'on ne devrait pas disparaître d'ici tôt. Donc, c'est ça, avis aux promoteurs qui seraient intéressés de les produire en spectacle, Habitabis, en tout cas, au plaisir de vous revoir à Montréal bientôt, si c'est le cas. Ben oui, ça va faire un plaisir de te revoir, mon homme. À la prochaine! We'll be right back. Distorsion sur Underground Québec Radio. Bath. Projet Post-Immortal avec une nouvelle pièce qui s'intitule Fenrir Hans, enregistrée live devant quelques caméras, que le band a voulu partager en vue de ce qui sera surveillé sur Season of Mist en 2016, début 2016. Donc, on va surveiller ça. Et on a eu aussi Habitabis avec Mock Drill Blast, une de mes pièces favorites de l'album Rural Metal paru en 2014. C'est en faisant l'audition de l'enregistrement Live at the Opera de Satyricon que j'ai, en tout cas, qui provient du DVD paru en mai sur Napalm Records, que j'ai appris la nouvelle concernant le vocaliste Sigurd Wongraven, alias Satyr, qui, gravement malade, a été admis à l'hôpital et qui a été diagnostiqué d'une tumeur maligne au cerveau. Cependant, il pourra poursuivre ses activités, du moins du moment où la chose ne deviendra pas plus imposante qu'elle l'est présentement. Donc, c'est pas une question de vie ou de mort, mais il a tenu à communiquer qu'il va passer les deux prochaines semaines à reprendre ses forces et ensuite commencer à écrire du matériel pour un nouvel album de Satyricon et qu'il reprendra ou ce qu'il a laissé là, avec ses autres projets. Donc on lui souhaite évidemment la meilleure des chances et en son honneur, on va entendre une pièce de ce Live at the Opera qui a été enregistrée au Oslo Opera House en Norvège en septembre 2013 avec une chorale de 55 chanteurs de la Norwegian National Opera Chorus ou l'Opéra Chorette. Voici l'interprétation d'une des pièces marquantes de la carrière de Satyr, Modern Arts. Okay, sing it up! We'll be right back. fantastisk godt i verden å spille for Andreas. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmaster David Morgan! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha. Satyricon, avec une réinterprétation du classique Modern Art quelques deux décennies plus tard, avec le Norwegian National Opera Chorus dans le cadre d'un festival de musique contemporaine tenu à Oslo il y a 2 ans. Ça provenait évidemment du Live at the Opera, paru en mai, DVD sur Napalm Records. Donc, c'est déjà tout pour moi cette semaine. La semaine prochaine, on aura probablement un entretien avec Hang the Prophets, un groupe de Granby. Et aussi, on fera quelques prélèvements de sons au concert de DBC. Et quelques nouveautés, entre autres, avec Satan et Masters of Metal. Puis, que dire d'autre? N'oubliez pas la page Facebook, facebook.com/subversionmetal, où vous trouverez les liens d'écoute pour les balado-diffusion sur SoundCloud, Subversion Metal Show. Merci d'écouter, d'être au rendez-vous encore une fois à Underground Québec. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de musique subversive. Spread the word pour Subversion. Salut!